de cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Il n'y a pas si longtemps, il était impensable d'effectuer ses études sans apprendre le latin et le grec, un passage essentiel pour comprendre notre langue, le français, et pour structurer notre pensée. Sans ces langues anciennes, qui en réalité ne sont pas mortes, les études étaient considérées incomplètes et nous ne dirons jamais assez combien le latin et le grec sont à l'école des matières nécessaires. C'était évidemment le cas dans les années 1940, quand Madame Malingret enseignait ces langues au lycée Jean de la Fontaine, c'est à Paris dans le 16e arrondissement. Ses élèves l'apprécient. Ici, au moins l'une d'entre elles, la petite Louise, une gamine brillante. En janvier 1944, Madame Malingret reçoit un paquet accompagné d'un petit mot. Nous sommes tous arrêtés, je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Après la guerre, spécialiste de Jean Chrysostome, Madame Malingret a poursuivi sa carrière qu'elle a terminée comme professeure émérite de l'université Lille 3 après avoir traversé le siècle. Elle est morte en 2002. À l'âge de 98 ans. Mais la petite Louise, elle, n'est jamais revenue. Bien plus tard, dans une armoire du lycée Jean de la Fontaine, ses lettres ont été retrouvées. Commence alors une enquête, celle autour du destin d'une enfant de 17 ans qui aimait le latin et le grec, qui aimait la vie, qui aimait beaucoup son enseignante, mais qui fut déportée parce que juive, Louise Pikowski. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, témoignait de son temps par ses écrits intimes. Nous sommes partis à la rencontre des infréquentables frères Goncourt et de leur journal au vitriol. Nous avons lu la correspondance de trois femmes du XVIIIe siècle, dont une a peint la reine et l'autre a été révolutionnaire. Et nous nous sommes arrêtés sur les petits sujets qui nous parlent de la violence du fait guerrier, ces lettres de poilus, l'artisanat des tranchées. Que nous disent de leur temps et de leur auteur tous ces documents intimes, des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, la balado-diffusion des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à une étrange correspondance, une correspondance oubliée d'une jeune fille oubliée et dont la mémoire ressurgit par la volonté de Jean d'aujourd'hui, une recherche, une enquête avec vous Stéphanie Trouillard. Bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes journaliste pour France 24 et vous avez fait une enquête sur cette petite Louise Pikowski. Il faut nous raconter, Stéphanie Trouillard, qu'est-ce qui s'est passé? On vous a contacté un jour en vous disant des lettres ont été retrouvées dans une armoire d'un lycée à Paris? Oui, ça s'est passé aussi simplement que ça. C'était en 2016, il y a 4 ans. Des enseignants du lycée Jean de la Fontaine m'ont contacté, puisque l'une d'entre elles, Christine Lerche, qui était professeure de mathématiques dans ce lycée, avait retrouvé par hasard, vraiment en faisant un déménagement, dans une pièce du lycée en 2010, dans une enveloppe Kraft, des lettres qui avaient été écrites pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle s'est rendue compte qu'elles avaient été rédigées par une ancienne élève qui s'appelait donc Louise Pikowski et qui échangeait avec l'une de ses enseignantes, Mademoiselle Malingret. Et donc Christine Lerche, pendant quelques années, a essayé d'en savoir plus sur cette élève et sur son dessin. Elle s'est vite rendue compte qu'elle avait été déportée, mais elle n'a pas vraiment trouvé d'aide et de soutien dans ses recherches. Et c'est au moment de partir à la retraite, en 2016, qu'elle s'est dit « c'est un vrai trésor, ces lettres, je ne peux pas les garder pour moi ou les remettre dans une armoire ». Donc elle s'est rendue au CDI du lycée, à la bibliothèque du lycée, où là, elle a enfin trouvé du soutien auprès d'une professeure documentaliste, Khalida Hachi, et c'est elle qui m'a finalement contactée, puisqu'elle a appris que je travaillais beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale et sur les archives. Et donc, on a travaillé ensemble, on a fait une enquête pour retracer le parcours de cette jeune fille et de cette correspondance. Stéphanie Trouillard, effectivement, hein, vous avez déjà fait une enquête sur votre grand-père résistant. Ça nous conduit en Bretagne, ça. Oui, sur le frère de mon grand-père, mon grand-oncle, qui était FFI dans le Morbihan, qui a été tué en juillet 1944. J'ai commencé ces recherches il y a bientôt maintenant une dizaine d'années. Donc c'est comme ça que j'ai appris à aller aux archives, à consulter les documents de la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est plutôt une histoire familiale qu'on m'a transmise. Stéphanie Trouillard, il y a quelque chose d'intéressant dans cette démarche. Vous êtes journaliste, historien, historienne. En fait, il y a une démarche similaire, c'est celle de l'enquête en fait. Et on retrouve cette étymologie d'enquête dans le mot histoire. C'est peut-être juste la question de la temporalité qui varie, mais la méthode reste la même. La confrontation des sources, hiérarchiser les sources, critiquer. Vous retrouvez en fait dans cette démarche d'historienne votre métier de journaliste. Oui, c'est ça. Donc moi, je ne suis pas historienne de formation ni de métier, mais j'essaye d'appliquer effectivement les mêmes méthodes et surtout d'être aussi rigoureuse dans l'étude des archives et la confrontation. Donc c'est à la fois retrouver des documents écrits, des sources écrites. Dans le cas de Louise, j'avais déjà les lettres en ma possession, et également aller à recueillir des témoignages, donc ils se font de plus en plus rares sur cette période, puisque les personnes qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale sont malheureusement âgées et en train de nous quitter actuellement. Donc c'est confronté à la fois ces sources écrites, ces témoignages, pour en restituer un récit le plus fidèle possible à la réalité, à ce qui s'est passé, et voilà, le transmettre. Donc moi, c'est à mes lecteurs, aux auditeurs de France 24, à la fois sur le site internet ou à la télévision, mais effectivement, c'est à peu près la même démarche. D'ailleurs, de cette enquête, vous avez tiré un web documentaire, c'était en 2017, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'est un web documentaire que l'on peut retrouver très facilement. Nous allons mettre le lien sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, mais il suffit de taper Louise Pikowski et nous allons retrouver ce web documentaire si je reviens un jour. C'est un documentaire qui a été primé, vous êtes lauréat 2018 du prix Philippe Chaffanjon. Stéphanie Trouillard, comment a été reçu ce documentaire? Alors, avec beaucoup d'émotion, surtout, les gens ont été très touchés par cette histoire, voilà, qui ressurgit, comme dirait l'une des cousines de Louise, des cendres de la Shoah. Les gens ont été touchés tout d'abord parce qu'elle a vécu cette tragédie, cette famille qui a été assassinée à Auschwitz, et également par la qualité des lettres de Louise. Moi, c'est pour ça que je me suis finalement embarquée dans cette aventure. Quand j'ai lu ces lettres, donc qui étaient destinées à sa professeure, j'ai été vraiment frappée par l'intelligence, la maturité de cette jeune fille qui avait que 14 ans lorsqu'elle les a écrites, pour la plupart à l'été 1942, et de voir cette intelligence comme ça balayée par l'histoire, par la Seconde Guerre mondiale, ce gâchis. Louise finalement représente toutes les jeunes filles, voilà, qui ont été assassinés durant la guerre et qui étaient destinés à un brillant destin et qui n'ont pas eu cette chance, voilà, de pouvoir compter dans notre société, dans notre pays. Donc voilà, c'est tout ça, je pense, qui a beaucoup marqué les gens quand ce web documentaire est sorti. Et d'ailleurs, cette histoire, vous la racontez également dans une bande dessinée qui vient de sortir avec Thibault Lambert. Cette bande dessinée, Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski, paraît aux éditions des Ronds dans l'eau. Justement, je vous propose, Stéphanie Trouillard, d'écouter la lecture d'une de ces lettres. La lettre de Louise Pikowski à Mademoiselle Malingret, une lettre du 9 septembre 1942 qui nous est lue ce matin dans le cours de l'histoire par Camille André. Je pense que les Grecs avaient raison de considérer comme la plus grande souffrance celle de ne plus voir la lumière du soleil. Oh oui, pouvoir respirer l'odeur de l'herbe, voir le soleil dans les champs et à défaut, voir même les couchers de soleil à Paris. Admirer les étoiles, c'est bien la première joie. La joie est bien en nous. Quel que soit le degré de notre souffrance, nous pouvons toujours en trouver encore un peu en pensant que notre tâche n'est jamais terminée. Je comprends maintenant ce texte latin que j'ai traduit en cinquième et dont je ne me rappelle plus que ceci. Un homme ayant perdu ses biens, dont les filles ont été emmenées en esclavage, et qui dit « On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi. » On ne m'a pas pris ma richesse, car ma richesse est en moi. Lettre de Louise Pikowski à son professeur. Ces lettres vous ont touché. Dites-nous, Stéphanie Trouillard, une enseignante vous contacte, vous dit « Nous avons retrouvé des lettres dans une armoire d'un lycée, des lettres qui datent principalement de l'été 1942. Quelle émotion ressentez-vous quand vous avez ces lettres ? Parce que ces lettres, faut nous les décrire, ce sont des documents, c'est un papier, c'est une écriture. À quoi elles ressemblent ? Alors c'est vrai que peut-être pas toutes les semaines, mais régulièrement, des gens m'envoient des documents sur la Seconde Guerre mondiale, de leur famille. Donc j'ai l'habitude, voilà, de recevoir de tels documents. Donc quand on m'a parlé de cette histoire, j'avais pas vraiment d'attente. Et c'est vrai que quand j'ai lu ces lettres de Louise, j'ai tout de suite été éblouie. Ça m'a vraiment touchée au cœur. Donc c'est un échange entre Louise et sa professeure. Et moi, ce qui m'a marquée, je me souvenais de moi à 14 ans et je me suis dit, mais moi j'aurais été incapable d'écrire avec une telle qualité à son âge et surtout d'avoir une telle réflexion, une telle profondeur. Donc c'est des lettres assez philosophiques, on peut dire. On est à l'été 1942. On apprend un petit peu dans les lettres que son père a été arrêté et se trouve à Drancy. Donc on comprend qu'il a fait partie des victimes de la rafle du Veldiv du 16 et 17 juillet 1942. En fait, Louise ne s'exprime pas beaucoup sur la guerre. En fait, c'est plutôt des petits points de détail. Par exemple, elle demande à Mademoiselle Malingret si les souffrances ont un arrêt un jour. Donc on comprend que voilà, elle est torturée par ce qui se passe autour d'elle. Et il y a aussi un aspect assez religieux aussi qu'on retrouve dans ses lettres. Donc, comme vous l'avez dit, Louise était de confession juive et sa professeure, Mademoiselle Malingret, était une catholique très pratiquante. Et il y a un échange, voilà, entre ces deux femmes. Du côté de la famille maternelle de Louise, c'était une famille très religieuse. Son arrière-grand-père était grand rabbin de Colmar. Et Louise a des interrogations, surtout qu'on est dans la guerre et que les persécutions contre les juifs sont assez intenses à cette époque-là. Et donc elle s'interroge sur le sens à donner à la religion, à la foi, sur des pratiques qu'elle considère comme archaïques à l'époque. À un moment, elle dit de manière assez drôle que sa grand-mère serait horrifiée d'apprendre qu'elle écrit à Mademoiselle Malingret un samedi. Donc c'est des lettres à la fois, voilà, très très très profonde, d'une très grande maturité, mais aussi des lettres d'une jeune fille de 14 ans, tout simplement, puisqu'elle se pose aussi des questions sur le sens de l'amitié. Elle dit qu'elle n'a pas rencontré encore de meilleurs amis. Donc voilà, Louise, c'est tout ça en même temps. C'est une grande intelligence et aussi une jeune fille de son époque, une adolescente de 14 ans. Stéphanie Trouillard, vous avez ces lettres entre vos mains. Donc il y en a combien de lettres en tout ? Alors il y a 7 lettres en tout. 7 lettres en tout, et vous commencez l'enquête. Bah, par où commencez-vous, en fait ? Parce que vous avez juste un nom et quelques lettres. Alors, la première chose à faire, que j'ai décidé de faire, c'est je me suis demandé si des membres de la famille Pikowski avaient réchappé à la Shoah. C'était le meilleur moyen d'en savoir plus sur cette famille, c'était de retrouver des proches de Louise. Et grâce à la magie d'Internet, voilà, plus de 75 ans après la guerre, il est quand même assez facile maintenant de retrouver des personnes. Et je me suis rendue sur le site de Yad Vashem, donc ce qui est le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Et là, j'ai retrouvé une fiche de témoignage. Donc sur le site de Yad Vashem, les gens sont invités à laisser des fiches où ils donnent des informations sur les gens de leur famille qui sont morts en déportation. Et là, une fiche avait été remplie par un cousin germain de Louise qui donnait des informations sur Louise, ses parents et ses frères et sœurs. Et il y avait une adresse à Jérusalem. Et donc, tout simplement, en cherchant sur Google, j'ai réussi à contacter cette famille. Et je me suis rendue avec l'une des professeurs du lycée Jean de la Fontaine à Jérusalem pour présenter à des cousines germaines de Louise ses lettres. Donc ça a été un moment très fort, puisque pour elle, imaginez, 75 ans après, découvrir des documents de leur propre famille. Et voilà, c'est un véritable trésor pour eux, donc ça a été très émouvant. Et après, j'ai aussi cherché à essayer de voir s'il y avait encore des camarades de classe de Louise qui étaient encore en vie. Et effectivement, j'ai notamment retrouvé, grâce à la photo de classe qui était avec les lettres de Louise dans cette enveloppe Kraft dans l'armoire du lycée, il y avait une photo de classe avec des noms de ses camarades au dos. Et donc pareil, en cherchant tout simplement dans l'annuaire, un jour j'ai appelé une dame et je lui ai demandé si elle connaissait Louise Pikowski, et elle m'a dit que c'était effectivement sa voisine de classe. Donc là encore, ça a été un moment très fort, puisqu'elle ne l'avait jamais oublié. Du jour au lendemain, sa camarade avait disparu. Elle se doutait bien qu'elle avait été déportée puisqu'elle savait qu'elle était juive. Mais c'est moi qui, 75 ans après, lui a donné les détails sur sa déportation. Et donc, ça a été un moment vraiment bouleversant pour cette femme puisque tout est remonté à la surface. Donc voilà, ça a été à la fois chercher des témoins et puis bien sûr chercher d'autres informations auprès des archives du Mémorial de la Shoah, des archives nationales à Pierrefitte, voilà, pour constituer cette enquête. Dans les archives, qu'avez-vous pu trouver, Stéphanie Trouillard? Il y avait des documents autour de Louise Pikowski? Alors, il y a toutes sortes de sources importantes. Il y a d'abord les archives municipales de Boulogne-Billancourt, parce que la famille habitait à Boulogne-Billancourt. Là, on a retrouvé un recensement avec l'une de leurs adresses. Aux archives nationales se trouvent les archives qui concernent la déportation. Donc, il y a la liste du convoi. Ils ont été déportés par le convoi 67 du 3 février 1944, donc leur nom sont inscrits sur ce convoi. Il y a aussi les fiches d'internement au camp de Drancy. Donc, quand ils ont été arrêtés le 22 janvier 1944, ils ont été conduits à Drancy. Et chaque membre de la famille a une fiche à son nom. J'ai également trouvé des sources intéressantes sur le site de Gallica, que je vous recommande quand vous faites des recherches aussi sur la Seconde Guerre mondiale, donc le site de la BNF, où en tapant tout simplement le nom de Pikowski, eh bien j'ai retrouvé dans les archives du journal officiel le décret de naturalisation du père de Louise, Abraham Pikowski, qui était donc né en Ukraine et qui a été naturalisé en 1937. Et ce qui est terrible, c'est que j'ai aussi retrouvé le décret du retrait de sa naturalisation. Donc en 1941, on lui a retiré le régime de Vichy, voilà, avait fait passer de nouvelles lois, et donc on lui a retiré sa nationalité. Et j'ai retrouvé d'autres éléments aussi sur sa carrière professionnelle. Il tenait notamment une bijouterie. Donc il y a voilà, moyen de trouver comme ça, sur une même famille, plein de petites pistes, plein de petits éléments qui nous permettent de dessiner son parcours. Vous avez raison de souligner l'importance et le travail remarquable du site Gallica de la Bibliothèque nationale, qui est un outil exceptionnel parce que très facile d'accès et très efficace. Et à partir de là, Stéphanie Trouillard, vous arrivez à reconstituer ce destin. Nous savons qu'en histoire, il est toujours difficile pour certaines personnes de reconstituer la biographie. Ah, c'est sûr que Napoléon, le général de Gaulle, ce n'est pas dur. Quand c'est une femme, c'est un peu plus dur. Quand c'est une jeune fille, ça devient très difficile. Donc Louise Pikowski est une jeune fille qui fait ses études à Paris, dans le 16e arrondissement. Sa famille, vous nous l'avez dit, donc vient d'Ukraine. Oui, du côté de son père, donc les Pikowski, comme le nom l'indique, viennent d'Europe de l'Est. Donc son père est né à Nikolaïev à la fin du 19e siècle. Et donc j'ai retrouvé dans son dossier naturalisation, je vous parlais du fait qu'il avait été naturalisé, que la famille est arrivée en 1905 en France, à Paris, massivement. Voilà, les parents, les grands-parents, les oncles et tantes sont arrivés à Paris. Donc déjà à la fin du 19e siècle en Ukraine, enfin c'était l'Empire russe à l'époque, il y avait des pogroms, ce qu'on appelle des pogroms, des violences contre les juifs, et aussi ils ont certainement immigré aussi pour des raisons économiques. Donc là, on a pu avoir des éléments sur la famille. J'ai aussi retrouvé d'autres cousins éloignés qui avaient eux aussi quelques informations sur cette migration de la famille. Et du côté de sa mère, donc c'était une famille originaire de l'est de la France, donc de Colmar, avec son arrière-grand-père qui avait été grand rabbin de Colmar. Donc voilà, à partir de ces informations-là, on a pu déjà dresser le portrait de cette famille et retrouver aussi les différentes professions du père, qui a été, comme je vous le disais, qui a tenu une bijouterie, qui a été chauffeur de taxi, ouvrier. Donc il y a moyen quand même de trouver des informations par-ci, par-là, pour savoir de comment il vivait. Et alors sur Louise Pikowski elle-même, il est difficile aussi de savoir comment elle était en tant qu'élève, même si les lettres nous laissent présager que c'est une bonne élève. Il y a des archives dans les écoles, dans les lycées, et là aussi vous pouvez tracer un peu son parcours scolaire à cette petite Louise Pikowski. Alors la chance qu'on a eue, c'est que avec les lettres, donc dans cette enveloppe Kraft, il y avait également les livrets de prix de l'époque. Donc c'est une coutume qui n'existe plus, mais à chaque fin d'année scolaire, donc dans les années 40, il y avait une cérémonie de prix et les élèves les plus méritants recevaient des prix et des distinctions. Et donc dans ces livrets de prix, on a retrouvé ceux de 1942-1941. Louise a reçu à chaque fois le prix d'excellence, donc c'était la meilleure élève de la classe. Et après, il y a une classification par matière. Et Louise était quasiment la première dans toutes les matières, donc ça a pu confirmer le fait que c'était j'étais une excellente élève. Et quand j'ai interrogé les quelques camarades de classe que j'ai retrouvés, la première chose qu'elles m'ont dit à chaque fois, ah, Louise, la meilleure élève de la classe, l'élève la plus sérieuse, la plus brillante. Donc effectivement, ça dépend vraiment des établissements scolaires. Pour le lycée La Fontaine, par exemple, on n'a pas retrouvé les registres d'entrée du lycée avec la liste exacte des élèves. Ça dépend vraiment des établissements, mais la plupart de ces archives ont été, pour les établissements parisiens, se trouvent aux archives de Paris. Donc chaque établissement a dû donner ses archives aux archives de Paris, et ça permet effectivement d'en savoir plus sur un parcours scolaire. Dans votre démarche d'enquêtrice, de journaliste et d'historienne, Stéphanie Trouillard, il y a une proximité qui se crée avec le personnage que l'on accompagne. À quoi ressemble Louise Pikowski? Quelle petite fille est-elle? Ce que laisse transparaître ses lettres, c'est que c'était une jeune fille particulièrement studieuse. Déjà, avoir une correspondance avec sa professeure pendant les vacances, c'est quelque chose de peu banal. Ça montre que Louise avait quand même une intelligence supérieure à la normale pour que sa professeure la prenne comme ça, sous son aile. Je pense que Mademoiselle Malingret avait de grandes aspirations pour Louise, la protégeait. Elle savait aussi la menace qui pesait sur les Juifs à l'époque. Donc c'est une élève, voilà, qui a soif d'apprendre. À un moment dans ses lives, elle dit qu'elle lit, qu'elle peut plus s'arrêter de lire. On est pendant les vacances d'été. Elle demande à Mademoiselle Malingret déjà de lui parler du programme de la rentrée. Donc on sent que c'est vraiment une jeune fille qui a soif de connaissances, qui est peut-être un peu seule aussi quand elle s'interroge sur l'amitié. Elle dit qu'elle n'a pas trouvé véritablement d'amis, peut-être du fait qu'elle était aussi un peu ordinaire, qu'elle était très portée sur les études. Peut-être aussi c'est en lien avec l'immigration de sa famille, la volonté de s'intégrer, voilà, à la société française, d'avoir des aspirations vers autre chose. Donc voilà, je pense que Louise était à la fois quelqu'un de très intelligent, mais aussi quelqu'un peut-être un peu tourmenté, voilà, qui se posait beaucoup de questions. Moi, j'ai retrouvé dans ses lettres aussi, je fais un parallèle dans le web documentaire avec Anne Frank. Donc c'est pas le même corpus, hein, avec Anne Frank, il y a un journal, ici on n'a qu'une dizaine de lettres, mais chez ces deux jeunes filles, on voit cette soif de connaissance, ce côté très studieux qu'on retrouve aussi chez Anne Frank, cette envie déjà d'avenir, de réfléchir à ce qu'on va faire plus tard, et aussi toutes ces mêmes interrogations sur le sens à donner à l'amitié. Voilà, c'était des jeunes filles qui réfléchissaient beaucoup. Beaucoup. Et puis nous avons également des photographies. Stéphanie Trouillard, il faut toujours mettre un visage quand on évoque comme ça les personnes, un visage que l'on construit mentalement, mais parfois un visage qui repose sur une photographie. À quoi ressemble Louise Pikowski? Oui, c'est très important, comme vous dites, de mettre un visage. Et nous, on a eu cette chance, c'est qu'avec les lettres, il y avait également une photo de classe, donc avec le visage de Louise et de Mademoiselle Malingret. C'était la photo de classe de l'année 1942-1943. Et donc, ce qui frappe aussi avec Louise, et je pense que c'est pour ça aussi que ça touche les gens, c'est qu'elle a un visage très doux, voilà, avec un petit sourire. On sent peut-être une certaine forme de timidité, mais on sent une bonté, une gentillesse intérieure dans ce visage. On a également retrouvé, grâce à la famille, d'autres photos de la famille Pikowski, notamment des quatre enfants, et une photo particulièrement touchante qui a été prise quelques mois avant leur arrestation. C'était en août 1943. La famille Pikowski a été invitée chez des cousins qui habitaient à Joinville-le-Pont, donc en région parisienne, et ils ont pris une photo, et donc c'est la dernière photo connue de cette famille. Et ce qui est particulièrement émouvant, c'est qu'ils sont tous souriants face à la personne qui a pris cette photo, alors que la menace est bien là, mais ils sont tous ensemble. Et voilà, et c'est la dernière photo connue de cette famille. Eh bien, justement, Stéphanie Trouillard, en évoquant cette photo de famille, cette jeune fille souriante, j'ai tout de suite pensé à une chanson. Vous savez, Jean Ferrat, dans Nuit et brouillard, dit qu'il twisterait les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Oui, parfois c'est par le twist, parfois c'est par la variété, comme on dit. Mais la chanson, j'ai pensé à Comme toi, de Jean-Jacques Goldman. Vous savez, cette chanson qui nous parle de cette petite Sarah qui avait les yeux clairs et la robe en velours à côté de sa mère et la famille autour. « sa mère et la famille autour. Elle pose un peu distraite au doux soleil de la fin du jour. La photo n'est pas bonne, mais l'on peut y voir le bonheur en personne et la douceur d'un soir. Elle aimait la musique, surtout Schumann et puis Mozart. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Elle allait à l'école au village d'en bas. Elle apprenait les livres, elle apprenait les lois. Elle chantait les grenouilles et les princesses qui dorment au bois. Elle aimait sa poupée, elle aimait ses amis, surtout Ruth et Anna, et surtout Jérémy. Et ils se marieraient un jour, peut-être à Varsovie. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. Comme toi que je regarde tout bas. Comme toi qui dort en rêvant à quoi. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Jean-Jacques Goldman, comme toi en 1982, dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Jean-Jacques Goldman chante comme toi, parle d'une petite fille plus jeune que Louise Pikowski. Ce sont des destins en fait qui parlent. Parce que nous nous projetons très facilement dans cette vie complètement normale de jeune fille, d'adolescente, d'écolier, de lycéenne, qui d'un seul coup est complètement fracassée par le contexte, par la volonté d'autres gens. Il y a quelque chose que vous connaissez, vous, Stéphanie Trouillard, quand vous expliquez aujourd'hui le destin de Louise Pikowski aux plus jeunes. C'est ça, les gens comprennent tout de suite ce dont il est question. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a surtout voulu montrer à travers la bande dessinée, c'est que c'est une famille normale, voilà, des personnes aimantes qui vivent donc à Boulogne-Billancourt, qui ont leur train-train quotidien. Louise va au lycée comme toutes ses autres camarades. Et petit à petit, il y a cette menace qui pèse autour d'eux. C'est des premières persécutions, d'autres élèves qui commencent à disparaître et qui sont déportés. Voilà, c'est montrer aux élèves d'aujourd'hui que finalement, c'est arrivé à cette jeune fille, voilà, qui avait une vie tout à fait normale, qui n'avait absolument rien fait de mal. Et c'est pour ça que ça fonctionne, parce que là, ce sont des élèves d'aujourd'hui, donc c'est au programme de troisième, la Shoah. Donc Louise avait leur âge, et ils peuvent s'identifier avec cette jeune fille qui vivait dans leur pays, en France, qui allait à l'école à Paris. Et vraiment, la connexion est immédiate, comme moi, à l'école, quand j'étais au collège et que j'ai lu le journal d'Anne Frank. Voilà, ça m'a tout de suite frappée, et ça continue de me hanter, cette histoire, parce que j'ai pu m'identifier à elle, même si elle vivait dans les années 40. Louise Pikowski est une jeune écolière. Sa famille commence à prendre conscience concrètement que l'avenir n'est pas serein dès 1942, la rafle du Veldiv, quand le père de Louise Pikowski est arrêté. Il est arrêté puis relâché. Comment ça s'est passé, ce moment-là? Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est que Louise n'en parle pas beaucoup. Donc, on sait que son père a été arrêté, qu'il se trouve à Drancy. Elle raconte qu'ils ont pu lui envoyer des colis de nourriture. Et après, quelques lettres plus tard, Elle apprend, elle raconte à Mademoiselle Malingret qu'elle a fait une promenade dans Paris avec son père, donc on en déduit qu'il a été relâché. Mais donc on n'a pas d'informations sur le pourquoi de la libération de son père du camp de Drancy. Donc c'est pour ça que je me suis adressée, quand on a fait l'enquête, notamment à Serge Klarsfeld, donc qui est l'un des historiens spécialistes de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, et je lui ai demandé qu'est-ce qui pouvait expliquer cette libération. Donc il m'a dit que effectivement quelques personnes avaient pu sortir, mais pour des raisons très différentes, que ce soit des raisons de santé ou suivant leur profession, ou s'ils avaient des appuis particuliers qui ont fait qu'ils ont pu sortir du camp de Drancy. Donc ça reste un mystère sur la véritable raison de la libération de son père, mais c'est vrai que voilà, déjà la menace est là. Le père est arrêté à l'été 1942. Il est relâché, mais on sait que d'autres membres de la famille sont aussi arrêtés à ce moment-là, donc ils sont bien au courant des persécutions. Et parmi les persécutions, il y a l'incertitude qui est une horreur à vivre, ne pas savoir de quoi sera fait l'avenir. Je vous propose d'écouter une archive de l'ORTF de 1959 à la recherche de Max Jacob. C'est le témoignage du docteur Dreyfus sur le camp de Drancy. Ce qu'il y avait de plus angoissant dans ce camp, c'était l'ignorance complète où on était du destin de ces Juifs qui prenaient ces trains de marchandises deux fois ou une fois par semaine. Il y avait toujours des bruits qui couraient, qui étaient répandus par les cheminots, qui laissaient entendre que ces gens étaient voués à la mort. Il y avait enfin leur attitude à l'égard des Juifs résistants qui étaient jetés au cachot, nus, sans nourriture, enchaînés, et qui était trois fois par 24 heures battu par les SS. Il y avait aussi l'attitude des Allemands à l'égard de certains grands malades qu'ils jetaient dans les convois. Ces convois ont été créés intentionnellement par les Allemands qui ont arrêté des familles juives, parents et enfants, et qui les ont séparés dans le camp de Pithiviers pour faire partir d'abord les parents, ensuite les enfants. Et on a vu ce spectacle d'un train fait de milliers d'enfants partant avec leurs jouets et leurs espérances enfantines. Et nous savons aujourd'hui que tout ça s'est terminé dans la chambre à gaz d'Auschwitz. C'est vraiment dans des visions d'horreur que Max Jacob a terminé ses jours. Le docteur Dreyfus, qui nous parle du camp de Drancy en 1959, il évoque l'ignorance complète du destin et également des visions d'horreur. Louise Pikowski et sa famille, malgré l'arrestation du père de Louise en 1942, puis sa libération, décident de rester à Paris. La vie continue malgré tout. Oui, c'est ça. Ça peut paraître étonnant. Souvent, quand je fais des interventions, les gens me disent « Mais pourquoi ils ne sont pas partis ?» Il peut y avoir plusieurs explications. Donc, le père de Louise a peut-être été aussi relâché parce que sa femme était française, avait la nationalité française, ses enfants étaient de nationalité française. Donc, il se sentait peut-être protégé, puisque les arrestations ont surtout touché dans un premier temps les Juifs étrangers. Après, il faut aussi avoir les moyens de pouvoir fuir, de passer en zone libre. Voilà, il faut connaître des passeurs, avoir de l'argent et puis avoir un point de chute. C'était peut-être pas le cas de la famille Pikowski. Et puis on sait aussi que la grand-mère était toujours vivante et vivait à Paris, était d'une santé précaire. Finalement, elle est décédée en janvier 1944, quelques jours avant leur arrestation. Donc je pense qu'ils sont aussi restés pour s'occuper de la grand-mère, et au moment où ils étaient arrêtés, ils étaient encore dans une période de deuil qui fait qu'ils n'ont pas quitté Paris. Et donc voilà, il y a toutes ces raisons qui peuvent expliquer le fait que cette famille soit restée et finalement a été arrêtée à son domicile. L'arrestation a eu lieu au début de l'année 1944. Qu'en savons-nous en fait? Il y a ce moment qui est assez particulier, c'est ce petit mot qui accompagne les lettres, en fait le paquet avec quelques livres et quelques lettres qui est déposé pour Mademoiselle Malingret. Je vous propose justement d'écouter, lu par Camille André, ce petit mot griffonné sur une page de cahier qui a été glissé dans le cartable. Janvier 1944. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi, et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père et à Mademoiselle Arnold, et je vous embrasse. Louise. Camille André qui nous lisait ce mot griffonné par Louise Pikowski, destiné à Mademoiselle Malingret avant l'internement à Drancy. Alors comment ça s'est passé en fait, Stéphanie Trouillard? Vous êtes capable de reconstituer ces quelques heures ou cette journée, ces quelques journées avant l'internement définitif à Drancy et la déportation? Oui, alors finalement, ce qui est le plus émouvant et le plus incroyable dans ces lettres, c'est ce dernier petit mot que l'on vient d'entendre. Nous sommes tous arrêtés. Je vous laisse ces quelques lettres et ces livres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Donc on peut se demander, mais comment Louise a pu déposer ce petit mot alors que la famille venait de se faire arrêter? Mademoiselle Malingret avait laissé aussi, lors des 50 ans du lycée La Fontaine, un témoignage écrit sur l'histoire de Louise et sa relation avec son élève. On a aussi retrouvé le livre écrit par l'une des tantes de Louise qui raconte l'histoire de la famille au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça nous a donné des éléments pour reconstituer ce triste 22 janvier 1944, le jour de leur arrestation. De ce qu'on sait, c'est que les policiers, donc des policiers français, se sont présentés à leur domicile. À cette période, les Allemands finalement demandaient aux autorités françaises un certain nombre de juifs, voilà, à mener au camp de Drancy, puis à la déportation. Beaucoup des juifs étrangers avaient déjà été arrêtés ou alors étaient partis se cacher. Donc à cette période-là, les juifs français étaient aussi devenus des cibles et étaient la victime d'arrestations, voilà, peu importe leur nationalité. Et donc les policiers français se présentent au domicile des Pikowski, qui avaient certainement dû se faire recenser. Donc la police française avait leur adresse. Et de ce qu'on sait, c'est que les policiers auraient d'abord arrêté le père, donc Abraham, et auraient donné une heure au reste de la famille pour préparer leurs affaires. Est-ce que les policiers ont voulu leur laisser une chance de pouvoir se sauver et se cacher, ou est-ce qu'ils leur ont tout simplement donné une heure pour préparer leurs affaires? On ne le sait pas. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce laps de temps, Louise choisit de se rendre au domicile de Mademoiselle Malingret pour y déposer un cartable avec quelques lettres, une Bible et ce petit message. Donc moi, ce qui me frappe, c'est le sang-froid qu'il a fallu à cette jeune fille, voilà, pour faire ce geste lors de son arrestation. Et ça montre le lien très fort qu'il y avait avec son enseignante. Et donc elle n'a pas vu Mademoiselle Malingret ce jour-là. Elle a déposé ses documents à sa concierge et donc elle est repartie auprès de sa famille, et ils ont été conduits au camp de Drancy. On a aussi une fiche qu'on a retrouvée auprès des archives de la préfecture de police de Paris. On sait exactement dans quel bâtiment du camp de Drancy ils ont été internés. Donc voilà, c'est tous ces documents qui nous ont permis finalement de retracer ce qui est arrivé à cette famille le 22 janvier 1944. Et souvent, les élèves aussi, quand je fais des interventions au milieu scolaire, me demandent pourquoi elle n'est pas restée chez Mademoiselle Malingret, qui avait proposé de la cacher. Mais dans beaucoup de familles, finalement, les gens préféraient rester ensemble parce qu'ils se sentaient plus forts, et c'était vraiment un déchirement que de se séparer. Et certains ne préféraient pas penser au pire et à ce qui les attendait. Oui, il y a cette question, Stéphane Trouillard, que vous avez soulevée. Et c'est vrai que quand la police vient arrêter la famille Pikowski et laisse une heure pour préparer les affaires, on ne peut pas se sortir de l'esprit l'idée que les policiers leur ont donné une chance. Il y a aussi, dans cette décision de revenir à la maison pour se faire arrêter, une confiance dans la France, une confiance dans la patrie. Et la famille Pikowski a une histoire, une volonté de s'attacher, de s'intégrer à la communauté nationale. Ça explique aussi sans doute pourquoi on respecte ce que demande l'autorité. Oui, pour beaucoup, il y avait une grande confiance dans les autorités françaises. Il y a vraiment des histoires bouleversantes. Moi, j'ai lu beaucoup de récits sur la Shoah, d'anciens combattants, notamment de 14-18, de confession juive. Et quand on vient les arrêter, ils portent leur médaille avec fierté. Et jusqu'au bout, ils peuvent pas croire que la France qu'ils ont servi, pour laquelle ils ont été décorés, va quand même les arrêter. Et c'est vraiment une trahison terrible. Et je pense qu'il y avait effectivement aussi cette confiance de la part des Pikowski. Ils avaient fui l'Europe de l'Est, ces persécutions, pensant trouver aussi un refuge en France. Et voilà, ces violences les ont poursuivis et finalement conduits vers la mort. En écho à ce que vous venez de dire, Stéphanie Truyard, je vous propose un extrait du film La Rafle. La Rafle, un film réalisé par Rose Bosch avec Mélanie Laurent et Gad Elmaleh, un film de 2010. En cas d'évasion, des otages seront pris au hasard et fusillés. Est-ce que c'est clair ? Papa ! Pardon, papa, pardon. Pardon de quoi, chérie ? On n'est pas mieux tous ensemble, en famille. Hein ? Je suis ancien combattant. Je veux savoir où on va. Est-ce qu'on quitte le pays ? Je vous donne ma parole d'officier que vous ne quittez pas la France. Je vous crois. J'ai jamais vu autant de juifs. Comment tu veux qu'ils nous fassent du mal ? On est trop nombreux. C'est trop de boulot. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, alors ? Moi, je sais où on va. On va ? À Pitipoy. C'est où Pitipoy ? À Pétochnok. Pourquoi on comprend jamais ce que vous dites ? Un extrait du film La Rafle en 2010. Dans ce film, des Juifs et surtout des Français déportés, conduits à Drancy, font confiance, ne peuvent pas imaginer l'horreur de ce qui les attend. Stéphanie Truyard, que savons-nous de Louis Spikowski et des siens une fois qu'ils sont arrivés à Drancy ? Alors, comme je vous le disais, il y a ce document donc retrouvé aux archives de la préfecture de police où on voit dans quels escaliers ils étaient internés au camp Drancy. On a aussi leur carte d'internement avec la mention de leur adresse, de leur date de naissance. Il y a aussi une fiche avec l'argent que possédait le père de Louise lorsqu'il arrivait à Drancy comme un bon. Voilà, ils remettaient leur argent. Aux autorités du camp, et puis ce terrible liste du convoi numéro 67 avec tous les membres de la famille Pikowski. Et c'est finalement là que se trouve la dernière trace de leur existence, puisqu'ils montent dans son convoi du 3 février 1944. Donc c'est un convoi qui comportait 1214 personnes. Et de ce que l'on sait, de ce qu'a pu retracer notamment Serge Klarsfeld, c'est que 985 personnes ont été gazées dès leur arrivée au camp d'Auschwitz. Et donc, comme il n'y a pas de traces de la famille Pikowski dans les archives d'Auschwitz, pour les personnes qui avaient été sélectionnées, ils avaient un matricule et on retrouve parfois des traces, on peut penser que tous les membres de la famille Pikowski ont été gazés dès leur arrivée. J'avais retrouvé pour le web documentaire, j'avais recueilli le témoignage de Léa Schwartzmann, qui faisait partie de ce convoi, qui est toujours en vie. Elle faisait partie de la famille la plus nombreuse à avoir été déportée de France. Ils sont partis à 13. Et il y a seulement elle et l'une de ses sœurs qui ont été sélectionnées à leur arrivée à Auschwitz. Donc elles avaient à peu près le même âge que Louise et sa grande sœur Annette. Donc pourquoi Léa et sa sœur ont été sélectionnées et Louise et sa grande sœur Annette ont été gazées immédiatement ? C'est aussi des hypothèses, des interrogations. On peut penser peut-être que Louise et sa sœur n'ont pas voulu, encore une fois, se séparer de leur famille. Stéphanie Truyard, vous avez recherché les membres de la famille Pikowski, vous êtes parti jusqu'en Israël. Quelles ont été les réactions quand vous arrivez comme ça avec ces quelques documents et plus que des documents, une histoire, des choses à dire ? Quelles ont été les réactions ? Beaucoup d'émotions, surtout un trésor pour eux, c'était vraiment inattendu. Donc les cousines germaines que j'ai retrouvées à Jérusalem ont elles-mêmes perdu leur père. En fait, il a été déporté, il a été arrêté à Lyon lors d'une rafle organisée par Klaus Barbie et leur père n'est jamais revenu de déportation. Elles ont été cachées du côté du Chambon sur Lignon, donc cette région de Haute-Loire connue pour avoir protégé de nombreux juifs. Donc pour elle, c'est vraiment inespéré de voir ressortir comme ça du passé ces lettres écrites par leur cousine. Donc elle connaissait l'existence de Louise, mais elles étaient petites, elles n'avaient pas de souvenir d'elle. Donc c'est vraiment un trésor, elles ont pris ça comme une bénédiction de voir revenir ces lettres jusqu'à elles. Et puis elles sont aussi quelque part très fières de voir l'intelligence de leur cousine et de voir que maintenant Louise est devenue un petit peu un symbole et surtout qu'elle est utile finalement. Les nazis l'ont assassinée à Auschwitz, mais ils ont pas accompli totalement ce qu'ils comptaient faire. Ils n'ont pas totalement effacé, puisqu'elle est revenue 75 ans après et que maintenant elle est utile dans le cadre de l'enseignement de la Shoah. Et pour eux, c'est finalement la plus belle des victoires. Oui, parce qu'on peut relier Louise Pikowski à d'autres figures comme celle d'Anne Frank, évidemment, d'Hélène Berg. Ce sont ces jeunes filles qui ont laissé des témoignages sur le moment, mais dans le cas de Louise Pikowski, d'ailleurs, qui n'est pas directement liée à la guerre. Il y a juste cette évocation de l'arrestation de son père, arrestation qui le conduit à Drancy. Mais il n'y a pas tellement d'informations, mais ces informations ne sont pas nécessaires. En fait, c'est la construction que l'on peut faire autour de ce destin qui nous en apprend beaucoup. Oui, c'est ça, c'est prendre l'exemple d'une jeune fille lambda qui était dans un lycée à l'époque et qui peut être utile pour éclairer cette période de l'histoire, puisque finalement, Louise, comme vous le dites, ne parle pas beaucoup de la guerre, mais on sent quand même, voilà, cette angoisse, cette menace qui pèse autour d'elle et surtout ce dernier petit mot qui est quand même très éloquent, nous sommes tous arrêtés, voilà, et qui donne la chair de poule. Et je pense, moi, c'est pour ça qu'on a choisi d'intituler ce récit « Si je reviens un jour », qu'elle avait au fond d'elle, peut-être de manière inconsciente, l'idée qu'elle ne reviendrait pas. Et qu'elle revient malgré tout grâce à vous, Stéphanie Trouillard. Il y a quelque chose qui dépasse simplement le destin d'un individu. Vous l'avez bien dit, hein, Louise Pikowski évoque toutes les jeunes filles et même au-delà qui ont connu ce moment terrible de la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire aussi d'une famille, mais au-delà également d'une famille. C'est ce qu'on ressent quand on écoute, c'est dans votre reportage, un reportage pour France 24, Si je reviens un jour, autour de ces lettres, le témoignage de la cousine de Louise, elle s'appelle Nicole Minot. Cela m'a permis de reprendre contact avec des cousins disparus de mon existence depuis près de 60 ans. Et autour de la plaque, en souvenir de Louise, nous avons renoué ces liens. Et puis, dans les recherches que Stéphanie a fait sur notre famille, elle a retrouvé en Belgique une cousine dont nous ne connaissions pas l'existence et qui ne connaissait pas la nôtre. Tous les parents sont morts en déportation. Et cela permet pour nous d'accueillir Claire au sein de sa famille, et cela nous le devons aux lettres de Louise et au magnifique travail de Stéphanie qui est entrée elle aussi dans notre famille par le cœur. Nicole Minot, dans votre reportage, Stéphanie Trouillard, sur Louise Pikowski et ses lettres. Ces lettres qui ont traversé toutes ces décennies et qui font revivre cette jeune fille. Quand vous êtes en contact et quand vous entendez ce que vous disent les membres de la famille Pikowski, c'est une notion de famille très élargie, en fait. C'est qu'il y a plus une communauté d'esprit. Il y a quelque chose, en fait, de très fort où l'histoire est une chose. Vous avez fait la démarche de l'historienne. Mais après, il y a l'émotion. Et l'émotion prend évidemment le dessus sur ces questions-là parce qu'elle nous parle aujourd'hui, à notre temps, avec toutes ces questions qui nous préoccupent vraiment. Oui, c'est vrai que depuis 2016, j'ai l'impression de vivre avec cette jeune fille, en fait. Louise fait finalement partie de ma famille et moi je suis, comme l'explique Nicole, je suis rentrée dans cette famille. Ce qui est formidable aussi, souvent quand on travaille sur l'histoire, on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir aussi sur aujourd'hui. Et donc, après avoir réalisé ce web documentaire, j'ai eu du mal en fait à lâcher cette histoire et j'ai continué mes recherches autour de la famille, pensant voilà trouver d'autres informations. Et j'ai notamment pu consulter le dossier naturalisation du père de Louise, qui pendant un temps était bloqué aux archives de Fontainebleau, dont on n'avait pas accès. Et j'ai découvert que il avait un frère qui était visiblement parti aux États-Unis. C'est ce qui était marqué dans son dossier naturalisation. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert qu'il n'était pas parti aux États-Unis, mais qu'en fait, il avait immigré en Belgique. Et grâce à l'aide d'une amie généalogiste belge, on a retrouvé sa trace à Bruxelles. On a vu malheureusement donc cet oncle de Louise avait été déporté à partir de la caserne d'Ossin, qui est donc l'équivalent du Drancy belge, avec sa femme et sa fille, mais que son fils avait survécu à la Shoah, En s'engageant dans les forces belges libres, donc l'équivalent des forces françaises libres, il est arrivé à Londres, après il avait débarqué en Normandie, il avait participé à la libération de Bruxelles en septembre 1944. Ce monsieur, donc un cousin germain de Louise, est malheureusement décédé, mais on a retrouvé sa fille qui vit près de Bruxelles. Et là, ça a été un moment aussi très étonnant, et peut-être le moment le plus fort finalement dans toute cette histoire autour des lettres de Louise, c'est que sa fille avait vu mon web documentaire, donc elle porte le nom de Pikowski, et elle s'était dit, mais ça a forcément un lien avec ma famille, mais elle n'avait pas osé me contacter, puisqu'elle avait peur d'être déçue, puisque cette femme, en fait, ça faisait plusieurs années qu'elle faisait des recherches pour en savoir plus sur l'histoire de sa famille, puisque son père, quand il est décédé, ne lui avait jamais parlé de ses parents qui avaient été déportés, il ne lui avait pas non plus dit qu'il était de confession juive, donc elle ne savait absolument rien sur son passé, ses racines, son identité, et donc c'est quand je l'ai contactée, voilà, que tout a pris sens, qu'elle a découvert d'où venait sa famille, l'histoire de sa famille dans la déportation, et surtout elle a appris qu'elle avait encore des cousins en France, et elle a pu prendre contact avec eux, et comme elle le dit, donc elle s'appelle Claire Pikowski, elle dit qu'à partir de ce moment-là, elle a pu poser son deuxième pied à terre, elle était enfin entière. Et donc pour moi, ça a été un moment très fort, puisque je me suis dit que ces recherches ne permettaient pas seulement voilà, de retracer le parcours de Louise, mais aussi d'aider cette femme aujourd'hui, voilà, 75 ans après, à connaître son identité. Donc là, je me suis vraiment sentie utile et c'est assez incroyable de se dire qu'il y a certainement d'autres Claire Pikowski, d'autres personnes qui, à cause de la guerre, ont perdu l'identité de leur famille, ne savent pas forcément ce que leur famille a vécu. Donc il y a encore beaucoup d'histoires à retracer, beaucoup de choses à retrouver, même 75 ans après. C'est pas totalement du passé parce qu'il y a encore des gens qui ont vécu cette période et qui sont encore en vie. Merci beaucoup Stéphanie Trouillard. Alors je rappelle, ce web documentaire qu'on peut retrouver évidemment sur le web. Et puis il y a cette bande dessinée avec Thibault Lambert, Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski aux éditions des Ronds dans l'eau. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscane-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Demain, direction l'Algérie. Oui, l'indépendance algérienne, une voix, des voix. Une voix, un chemin, mais des voix, plusieurs paroles. À demain.